Merci beaucoup. Je vais entamer cette présentation, cette réflexion et puis cet échange sur la question de l'adolescence, entre vie rêvée et trauma, hein, la question. Je vais commencer par des généralités sur l'adolescence, et ces généralités, elles vont être illustrées par des phrases, alors des phrases un peu clichés. Ce sont des phrases d'adolescents qui ont été récoltées en fait sur des tables, des bureaux, sur des portes de WC, dans des collèges et dans des lycées, telles qu'on peut en trouver assez souvent. Voilà, ces petites phrases clichés viendront un peu illustrer les généralités sur l'adolescence. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ça a l'air. Première petite phrase récoltée sur une table de scolaire, affreux, bête et méchant, c'est moi, vive la vie. Alors longtemps, les auteurs se sont interrogés sur le caractère nécessairement critique, crisique même, ou non, de cette période du développement qu'est l'adolescence. On a ainsi pu lire de nombreux ouvrages dans lesquels cette période se réalisait systématiquement par un passage de crise familiale, par de la colère, par de la rancœur, par de la rupture. Par exemple, cette petite phrase, « Mort au con, disent-ils, dois-je me suicider ?» Aujourd'hui, les polémiques ont évolué, reconnaissant par là que le conflit n'est pas une obligation pour devenir adulte, mais que cette période est bien synonyme de vulnérabilité psychique. Recherche amitié désespérément. On note ainsi une prise de conscience de soi, une autonomisation de la pensée, une distanciation qui est parfois avec du conflit afin d'accéder à un mode de fonctionnement physique et psychique plus adulte. J'aime quand même. Aujourd'hui considéré comme un phénomène psychosocio-culturel relatif à nos sociétés occidentales, l'adolescence nécessite une observation particulière concernant les modifications qu'elle entraîne chez l'individu. Le chocolat fait grossir. Le chocolat est trop sucré. Le chocolat est mauvais pour la santé. Moi, j'aime prendre des risques. Nous proposons donc d'évoquer l'adolescence comme un processus, dans le sens que finalement l'adolescence est un ensemble actif, organisé dans le temps, de phénomènes. L'adolescent va tenter d'affirmer sa personnalité par des attitudes, des comportements caractéristiques, souvent rituels. Ces petites phrases un peu poétiques et clichés. Je voudrais être une larme pour couler de tes yeux, rouler sur ta joue, mourir sur tes lèvres. Donc l'adolescent va chercher à atteindre un idéal de soi par une quête d'autonomie, passant par de l'affirmation de lui, par une expérimentation de l'humour aussi, par de l'arrogance, de l'impertinence. Les profs, c'est comme les WC, ils sont toujours occupés. Il vaut mieux rater un baiser que baiser un raté. Les cours, pareil, c'est comme les WC, on en sort toujours soulagé. Il ne faut pas jeter de cacahuètes aux singes qui gesticulent sur l'estrade. La fin du monde ne peut pas être en 2012, j'ai des biscuits qui expirent en 2013. L'adolescent, il teste les attachements de son enfance, il expérimente différents modes de vie et découvre un corps et des capacités de réflexion et d'analyse, des découvertes qui sont tout aussi déroutantes les unes que les autres. Vous riez de moi car je suis différent, moi je ris de vous, car vous êtes tous identiques. L'adolescence est alors une répétition assez paradoxale du passé. Les événements majeurs de l'adolescence résident dans la gestion de nombreux changements autant rapide que surprenant pour l'adolescent aussi. Parmi ces changements, on peut noter ceux qui touchent à la corporéité. Le corps se sexualise, se transforme, subit l'effet de nouvelles sécrétions hormonales, et ceci de façon extrêmement rapide, provoquant des difficultés au niveau du développement émotionnel et social des adolescents. Le jeune doit alors faire face à ces changements, qui bien souvent ne correspondent pas à sa maturation psychique. Je ne veux pas aller au paradis. J'ai peur de ne connaître personne là-bas. Le pire con, c'est le vieux con. On ne peut rien contre l'expérience. Parce que l'identité corporelle est aussi une identité sexuelle, l'adolescence provoque la séparation des caractères masculins et féminins et ainsi affecte l'identité personnelle. La sexualisation corporelle génère une modification au plan relationnel. L'adolescent quitte le monde de l'enfance en prenant des distances physiques dans les contacts avec les parents. Il oriente ses attirances vers ses pairs. Il doit établir une nouvelle relation avec son corps et l'image qu'il lui renvoie, ainsi qu'avec son entourage social. Les garçons, c'est comme les allumettes. On les allume, puis on les jette. Ah, les cours, c'est comme les poils. On en a toujours plein. Hé, meuf, t'as pas mis assez de fond de teint ? On voit encore ton visage. Par conséquent, les relations familiales sont elles aussi affectées. La famille, en tant que premier agent de socialisation, évolue au moment de l'adolescence. Les parents doivent modifier leur comportement éducatif afin de faciliter et de poursuivre l'échange relationnel avec leur adolescent et un travail intrapsychique et interpersonnel de désidéalisation de la famille s'effectue. Et ça implique une renégociation des rôles. La problématique oedipienne est réactualisée, pouvant générer du stress, des sentiments d'angoisse, remettant en cause le processus de filiation qui avait été amorcé et effectué auparavant. L'adolescent instaure un espace de renégociation relationnelle, mais qui accentue aussi la prise de pouvoir et de décision du jeune dans un rapport de contre-dépendance face aux parents. Vivre est obligatoire, mais grandir est un choix. Le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Aimer les gens, c'est pas juste les trouver beaux, c'est surtout les voir de l'intérieur. La construction identitaire va également passer par l'engagement du jeune dans la société. L'adolescence devient le temps de l'expérimentation, à un niveau plus conscient de la communication. C'est le temps où l'intelligence des relations humaines se développe. Le groupe de pairs, PAIRS, permet d'exercer la compréhension de la réciprocité, de l'empathie, de la confiance, de la loyauté, de la moralité. Donc les pairs, en favorisant la distanciation avec les parents, mais également en facilitant la transition vers l'âge adulte, vont être un facteur d'autonomisation. J'aime deux choses, toi et la rose pour un jour et toi pour toujours. Par la conquête de sa personnalité, le jeune va progressivement établir des plans de vie où il devient créateur, réalisateur de son propre devenir. Il s'agit d'une recherche de la reconnaissance de son existence dans le système social. Son sentiment d'identité personnelle, qui trouve ses fondements dans les premières relations affectives de l'enfance, va être consolidé à partir des expériences, des interactions avec l'entourage familial et relationnel. Quand tu auras atteint le sommet, continue de monter. L'adolescence constitue donc une période de remise en cause des identifications passées. Le jeune en comprend alors de ces identifications le caractère superflu. Je vais maintenant passer la parole à Claudine Combier. Bien. Alors, à mon tour de vous parler un petit peu de mes réflexions sur l'adolescence. Alors, pour commencer, mon propos va se centrer pour ce premier temps d'intervention sur la question du rapport au corps, en fait, de l'adolescent et sur la question de la sexualité qui est au cœur de la problématique de l'adolescent. Alors, l'adolescence, on va dire, deux minutes, c'est... Claudine. Ah, pardon. Excuse-moi. C'est un problème technique. On doit basculer sur un autre diaporama, donc voilà. Donc l'adolescence, je disais, c'est effectivement une période de la vie qui est l'occasion en fait de grandes turbulences, on va dire. Des turbulences qui sont aussi bien physiques que psychiques. Ça veut dire que c'est une période où l'adolescent va devoir revisiter son identité. Et à cette occasion, il va se poser de nombreuses questions, de nombreuses interrogations. On va dire que le grandir donne accès effectivement à une nouvelle maturité physique et potentiellement, on peut ajouter, une maturité intellectuelle, affective et psychique. À cette occasion, le grandir va donc conduire le jeune à, je dirais, découvrir sous un nouveau regard le monde qui l'entoure, et il va alors avoir une nouvelle lecture surtout de ce monde. L'adolescent porte alors tout à coup donc un nouveau regard, non seulement sur le monde, mais aussi sur ses proches, comme sur lui-même aussi à cette occasion. Ce qui n'est pas sans bousculer ses illusions, ses croyances, ses rêves, et sans le réinterroger finalement sur son désir, ses désirs et ses choix. L'adolescent doit donc faire face à ce qu'on pourrait appeler un remaniement psychique interne, avec des effets sur le monde externe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il va y avoir des effets sur l'entourage de l'adolescent, notamment sur l'entourage familial, qui lui aussi est bouleversé, je dirais, qui est bouleversé dans ses repères. Car l'enfant devenu grand, ou en train de devenir grand, offre effectivement un nouveau visage qui commence à prendre les traits de l'adulte, alors que simultanément, il garde les traits de l'enfance. Les parents, les enseignants qui accompagnent le jeune sont alors souvent, je dirais, déstabilisés, désarmés face à ce paradoxe. Mais que se passe-t-il donc à l'adolescence ? À l'adolescence, on va dire, la première chose qui change, c'est le corps. Le corps change. Le sujet entre dans une phase pubertaire. Et cette phase pubertaire réveille, on va dire, son univers pulsionnel. Et ouvre pour lui de nouveaux possibles. Il a effectivement, j'ai envie de dire, à sa disposition désormais un corps avec des caractéristiques sexuelles plus marquées. Il peut accéder à l'acte sexuel et à la procréation, ce qui est quand même pas rien. Cette évolution est signalée par des signes qui sont visibles aux yeux de tous. Et d'ailleurs, bien souvent, l'adolescent n'apprécie pas qu'on lui fasse des remarques à ses propos. Et il y a souvent des adultes maladroits qui se précipitent d'ailleurs pour faire des remarques à ses propos. Et ces remarques blessent le plus souvent la pudeur de l'adolescent. C'est pourquoi l'adolescent va alors se protéger, on va dire en quelque sorte, à cette période, en installant ce qu'on pourrait appeler une phase de neutralisation sexuelle, je propose de l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'il va adopter le plus souvent des tenues vestimentaires qui visent à dissimuler ces changements et à effacer la sexualisation visible du corps par l'uniformisation vestimentaire. L'adolescent est effectivement parfois saisi de honte face à ce corps qui révèle aux yeux de tous le sexuel et cherche alors à le dissimuler. Il cherche donc à dissimuler son corps à travers des grands pulls très larges, trop longs, des pantalons flottants, etc., qui noient les formes le plus souvent. Mais il peut aussi, au contraire, il y a aussi la conduite inverse, il peut aussi chercher, au contraire, à afficher et revendiquer donc ses nouvelles potentialités érotiques, pourrait-on dire. Et il va alors opter plutôt pour l'exhibition. Notamment, par exemple, en choisissant des tenues plutôt sexy, moulant les formes, en optant pour un maquillage appuyé, etc. Mais finalement, j'ai envie de dire, se cacher ou s'exhiber, au bout du compte, c'est un peu les deux faces de la même médaille, et en tout cas, ça souligne les mêmes enjeux. C'est-à-dire que l'enjeu pour l'adolescent, c'est d'apprivoiser son nouveau corps pubère. Vu et être vu, donc, participe à cet effort. L'adolescent donc se compare d'ailleurs à cette occasion désormais avec les autres. Il cherche des repères en regardant le corps des autres. Et il compare son corps avec celui de ses pairs, de ses amis notamment. Et puis il le compare aussi dans le champ social. Il commence à s'intéresser à la une des magazines qui offrent là des modèles. Autrement dit, l'adolescent a en quelque sorte un corps qui a acquis de nouvelles potentialités physiques et sexuelles qui lui permettent de se lancer dans une nouvelle exploration du monde. Mais avec ce nouveau corps, l'adolescent est troublé, à la fois excité et désarçonné, parfois même inhibé, aux prises avec un sentiment que l'on pourrait qualifier d'étrangeté. C'est pour cela qu'il passe désormais beaucoup plus de temps dans la salle de bain. Évidemment, il passe quelques heures, parfois même, devant le miroir. Pourquoi finalement les adolescents envahissent les salles de bain? Eh bien, parce qu'ils cherchent à se familiariser avec sa nouvelle image pour tenter, on pourrait dire, d'organiser des retrouvailles, en fait, avec ce corps changé. Ce corps qu'il ne reconnaît plus. Ce corps où il commençait à se sentir un peu à l'étroit et qui subitement peut-être est devenu un peu trop grand et où il se sent perdu. On a tous en tête l'image d'un jeune garçon qu'on a le sentiment d'avoir vu la veille, encore petit garçon, et qu'on voit 15 jours plus tard et qu'on découvre avec stupéfaction, perché sur ses grandes jambes et au dépassant de plusieurs têtes. Donc le corps grandit et parfois il grandit brutalement, de façon souvent d'ailleurs non homogène. En général, ce sont les extrémités qui grandissent en premier, les pieds, le nez, etc. Et ça ne manque pas d'ajouter à la confusion. Et ça génère parfois même de la panique chez l'adolescent. Tout l'enjeu est alors pour l'adolescent de faire face finalement à cette métamorphose et de trouver comment loger dans ce nouveau corps. Car le corps, finalement, c'est notre premier domicile à tous, et c'est celui qui nous accompagne dès la naissance et jusqu'à la fin de la vie. Donc il est important de s'y sentir confortablement, j'ai envie de dire, installé. Habiter ce nouveau corps, c'est un petit peu l'enjeu qui va occuper l'adolescent, qui va devoir s'approprier aussi psychiquement ce nouveau corps, le faire sien et faire en sorte qu'il lui appartienne. Donc ce remue-ménage, on va dire, physique, engage aussi un remue-ménage psychique. Il s'interroge face à cette nouvelle image. Suis-je beau? Suis-je laid? Est-ce bien moi? Le désir sexuel réveillé par ce corps pubère donc convoque l'adolescent vers des sentiments de honte, de pudeur, de frustration, de peur et multiplie ses questions et souvent il n'ose pas en parler. En tout cas, l'adolescence, on va dire que c'est aussi la période des premières émotions amoureuses qui sont souvent intenses, bouleversantes et fragilisantes. Alors, je vais maintenant vous évoquer une petite situation clinique pour illustrer un peu mon propos. Je vais vous parler d'une jeune fille que j'ai rencontrée en tant que psychologue. Il s'agit d'Astrid, qui a 17 ans et qui jusqu'alors était une excellente élève. Mais qui présente depuis le début de l'année scolaire une forte chute au niveau de ses résultats scolaires. Et elle se plaint assez régulièrement également de maux de ventre dont on n'a pas identifié la cause malgré différents examens somatiques. Elle rencontre par ailleurs des problèmes de sommeil et semble, selon ses parents, avoir changé de caractère. Ils sont très inquiets et voici les propos, par exemple, de la mère d'Astrid. Sa mère nous dit « Astrid est devenue très susceptible, un rien la fait pleurer ou l'énerve. Elle réagit, elle réclame de plus en plus de sortir de la maison. Elle s'enferme dans sa chambre où elle dit qu'elle travaille. Mais elle, qui était si sérieuse, a une très grosse baisse de ses résultats scolaires. Et en plus, on dirait qu'elle a perdu toutes ses passions. Elle a abandonné le tennis, la chorale, même si heureusement, elle joue toujours du piano. Le père d'Astrid enchaîne en disant la chose suivante. On sait que c'est l'adolescence, mais là, il faut que sa crise passe. Car l'enjeu, c'est quand même le bac à la fin de l'année. Il ne faut pas s'attarder trop sur ses états d'âme. Dans la vie, il faut passer à autre chose. Astrid a tout pour être heureuse, je ne comprends pas. Tant que les résultats ne remontent pas, nous avons supprimé les sorties. Moi, à 16 ans, j'aidais mon père, je travaillais l'été avec lui dans le bâtiment, ma mère ne travaillait pas, on était des immigrés portugais à l'origine, il a fallu relever le défi de la revanche sociale. Alors là, Astrid, il faut qu'elle se mette au travail. Elle doit se secouer un peu. La mère reprend alors la parole et dit la chose suivante. Moi, je ne sais pas si c'est juste l'adolescente. Astrid m'inquiète. Elle est triste. Elle pleure parfois en cachette. Je le vois bien, mais je ne comprends pas pourquoi. Quand je l'interroge, elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle a, qu'elle se sent juste très fatiguée en ce moment. Mais je comprends un peu. Moi aussi, j'ai été ado. Je me demande si elle n'aurait pas vécu une déception amoureuse. Je ne pose pas de questions, mais ces choses-là, je ne les interroge pas trop, car moi, ma mère a été beaucoup trop intrusive. Elle se mêlait de tout, voulait tout savoir. Adolescente, j'ai traversé un très mauvais moment suite à un gros chagrin d'amour, et je pense qu'Astrid a sans doute vécu une déception amoureuse, même si elle ne nous a jamais présenté de petits copains. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai eu envie de lire son journal. Mais je me suis retenue. Donc, les parents d'Astrid, comme vous le voyez, sont complètement démunis hein, face aux difficultés que rencontre leur fille. Et on voit qu'il y a une différence entre la position du père et de la mère. Mais sur le fond, ils partagent tous les deux la même inquiétude et ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer donc pour Astrid. Et en plus, ils sont renvoyés pour chacun, comme vous l'avez vu, à leur propre adolescence. Et ils apportent d'ailleurs des réponses à leurs filles qui sont inspirées de leur propre expérience de vie. Madame évoque son chagrin d'amour adolescent et sa mère intrusive, et monsieur son passé d'enfant immigré et son adolescence finalement travailleuse. L'adolescent, il doit donc faire face aussi à ça, c'est-à-dire au souvenir d'adolescence de ses parents. C'est à ce titre, on va dire, qu'il est aussi l'héritier d'une histoire qui le précède. Mais pour revenir à Astrid, en présence de ses parents, elle reste majoritairement silencieuse. Elle ne dit rien. Et lorsqu'on l'interroge sur ses difficultés, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe, que c'est compliqué, que ses parents ne peuvent pas comprendre et qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme à leur époque. Alors, il s'agit d'une grande jeune fille, très mince, à l'allure garçonne, les cheveux coupés très courts, qui vient me rencontrer avec un blouson de cuir marron qu'elle ne quitte pas. Lors de la consultation et des consultations suivantes. Je la reçois donc seule et voici ce qu'elle me confie au bout de la troisième rencontre. En fait, mon problème, me dit-elle, c'est la société. Je suis en colère car je suis féministe. Personne ne respecte l'égalité homme-femme, même dans les programmes scolaires. On étudie plus souvent les auteurs masculins que les auteurs féminins. J'ai un côté antisocial. Mes parents ne peuvent pas comprendre. D'ailleurs, moi, de manière générale, je me sens plus à l'aise avec les filles qu'avec les garçons. Comme je lui demande de me préciser ce qu'elle veut dire par là, elle ajoute « Le truc, c'est que je crois que j'ai une préférence pour les filles. Je crois que j'aime les filles. » En fait, j'en suis pas tout à fait sûre, mais quand même, j'ai quand même l'impression. Au début, je pensais que c'était passager, transitoire. Je n'ai jamais eu de petits copains. Quand je discute avec mes amis, j'en invente. De toute façon, elles ne peuvent pas vérifier. Je n'étais pas dans ce lycée avant, en seconde et en première. J'en invente pour être comme tout le monde, pour éviter les questions. Comme je lui demande si elle a évoqué cette préférence pour les filles avec quelqu'un d'autre que moi, elle me répond que non. En fait, j'ai essayé de trouver des infos sur Internet, me dit-elle, pour savoir si c'était normal de se trouver mieux avec les filles. Et il y a quelque temps, je suis carrément tombée amoureuse d'une fille pendant les vacances d'été. J'ai commencé une histoire avec elle, mais c'est fini maintenant, c'était pas vraiment sérieux. Et puis là, il y a un gars de ma classe, il me drague. Alors je ne sais plus. Dans un sens, si je dois lui dire oui ou pas, si je dois faire l'expérience. En fait, je me demande si finalement, je ne serais pas bisexuelle. Mes parents, ils croient que je me suis fait larguer par un petit copain et que c'est pour ça que je déprime. Mais en fait, mon souci, c'est que je me sens perdue. Je sens que je change, Avant, j'étais le clown de la famille, mais là, j'ai plus envie de rire. Je ne sais plus trop où j'en suis. En fait, je me demande si je suis homosexuelle. Car je crois que quand même, je préfère les filles, même si j'essaie parfois de me convaincre du contraire. Mes parents, ils attendent beaucoup de moi. Je vais les décevoir quand ils sauront. En plus, mon père, il n'a pas l'air comme ça, mais il tient souvent des propos homophobes. Mes parents, je les aime plus que tout. Je ne veux pas leur faire de peine. Vous voyez, au fond, je suis coincée. Ce serait plus simple si j'aimais les gars. J'arrive plus à me concentrer le scolaire et je perds un peu le goût des choses. Donc on voit qu'Astrid, au vu de ses propos, elle est tout à fait prisonnière d'un conflit de loyauté, pourrait-on dire, à l'égard de ses parents, qu'elle ne veut pas décevoir. On voit qu'elle veut répondre donc aux attentes parentales, ce qui l'a conduit à garder le silence finalement sur ce qui la préoccupe et ce qui la préoccupe. Ses doutes, ils portent, vous l'avez compris, sur sa préférence sexuelle. Mais ce silence est coûteux et impacte son épanouissement personnel. Elle est conduite en quelque sorte à se mettre entre parenthèses, à mettre entre parenthèses ses désirs, ce qui génère donc chez elle le mouvement dépressif, c'est-à-dire la tristesse et le repli. Donc le bouleversement pulsionnel, je dirais, à l'adolescence, il interroge effectivement la question de l'identité sexuelle. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler d'Astrid, qui, on le voit, s'interroge sur le fait de savoir si elle est bisexuelle, si elle est homosexuelle. Astrid se cherche, elle est égarée, on va dire, sur le chemin de la construction de son identité et elle se referme alors et la communication se rompt avec ses parents et elle cherche, un échappatoire dans les sorties qu'elle réclame de plus en plus et puis ça se traduit aussi par les maux de ventre que j'ai évoqués, les troubles du sommeil, la démotivation scolaire. Donc la métamorphose physique s'accompagne chez l'adolescent donc souvent d'enjeux qui touchent bien sûr à la question de la sexualité. La sexualité, elle est importante pour tous, c'est-à-dire pour les adultes comme pour les adolescents, mais elle ne va pas de soi. Il est difficile d'en parler, il est difficile d'être prêt à la vivre. Les attirances amoureuses à cette période, elles peuvent être, passagères et on peut parfois avoir effectivement une aventure avec quelqu'un du même sexe sans que cela signifie que l'on soit nécessairement homosexuel. Comme on peut aussi progressivement découvrir que c'est effectivement cette sexualité-là qui est celle qui répond à son désir. Mais l'amour, à l'âge de l'adolescence, on va dire, est aussi bien souvent un amour-passion. Un amour en tout ou rien. Un amour qui est fait de ruptures et de grands moments de fragilité. Les adultes doivent donc veiller, j'ai envie de dire, à laisser à disposition de l'adolescent des informations sur les lieux ressources où il pourrait aller, finalement, pour échanger sur les questions qu'il se pose. Par ailleurs, l'amitié est aussi un support qui est fondamental à cet âge. Et les filles, plus peut-être que les garçons, ont souvent une confidente privilégiée, alors que les garçons, eux, vont peut-être plutôt trouver ce soutien du côté de la bande, en quelque sorte. Et d'ailleurs, on peut observer que chez les adolescents, les ruptures amicales peuvent être beaucoup plus dramatiques que les ruptures amoureuses. Car l'amitié peut parfois, j'ai envie de dire, frôler la fusion. L'amitié à l'âge de l'adolescence est effectivement très important parce qu'il permet à l'adolescent, en quelque sorte, de trouver une sorte de double, une sorte de même pour se sentir plus fort avec ce double et pour trouver en l'autre, finalement, l'occasion de pouvoir partager les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes peurs, les mêmes angoisses. De manière générale, donc, l'amitié est nécessaire et bénéfique pour l'adolescent. Elle le sécurise, pourrait-on dire, narcissiquement, car elle lui permet de trouver un soutien au dehors et un soutien surtout en dehors de ses parents, dont de toute façon, il doit s'éloigner pour grandir. Voilà, je vous remercie. Alors, en quelques mots, avant de vous lire des extraits de texte, je voulais vous donner un peu le contexte qui m'a fait m'intéresser à ce phénomène dont Jenny a parlé en introduction, qui est le phénomène hikikomori. Le phénomène hikikomori, en fait, j'ai découvert ça un jour en lisant un petit article qui était assez troublant parce que à mesure où je lisais l'article où on nous décrivait que il y avait des cas au Japon essentiellement, mais aussi en Europe, de jeunes gens, souvent des adolescents ou des jeunes adultes, qui décidaient du jour au lendemain de s'enfermer dans leur chambre et de ne plus en sortir, et que la pathologie pouvait apparaître au bout d'une certaine durée, et que pour certains, ils restaient jusqu'à 15 ans enfermés dans leur chambre, le plus souvent au domicile familial, avec parfois des proportions complètement surréalistes pour moi à la lecture de cet article. Par exemple, une famille dans laquelle les parents avaient décidé de fabriquer une deuxième cuisine dans l'appartement parce que l'enfant avait décidé de s'enfermer dans la cuisine. Donc, évidemment, c'était extraordinaire. Ça paraît surnaturel. Moi, quand je me projetais dans cette situation chez moi avec mes deux filles, en me disant, mais non, c'est pas possible, ça n'arrive jamais, ça ne peut pas arriver, on ne peut pas se retrouver devant l'impossibilité d'ouvrir une porte ou à me dire. Peut pas tenir aussi longtemps comme le faisaient les mères d'ailleurs, parce que c'est toujours les mères dans ces situations qui le font, alimenter mon enfant en lui passant des plateaux par une trappe découpée dans la porte de la chambre. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Et en même temps, dans l'article, il y avait écrit qu'au Japon, ça concernait déjà plus de 500 000 cas. Donc il y avait un prétexte pour moi à une écriture dramatique, évidemment, parce que dès qu'on est dans quelque chose qui apparaît surnaturel et qui en même temps est réel, on est dans quelque chose qui est un bon point de départ pour construire une fiction. D'autant que ce qui m'intéresse aussi, c'est de produire des fictions d'anticipation, c'est-à-dire l'anticipation, c'est pas l'heroic fantasy, c'est pas la fantaisie tout court, c'est l'observation du réel. Et s'amuser à extrapoler légèrement pour dessiner un monde possible. En creusant le sujet des hikikomori, il y a une chose qui m'a particulièrement intéressé, c'était que l'hikikomori, c'est le désir de se retirer du monde. Et souvent, on voit que c'est des jeunes gens qui ont soit eu une très très grosse pression sociale, réussite scolaire, bachotage. Et au Japon, c'est le cas aussi. Il y a vraiment ces écoles après l'école où on continue à travailler, à travailler, à travailler. Ou des chocs traumatiques qui ont pu produire le désir de se replier, de se mettre en retrait. Et presque, je dirais, ce phénomène de protection de soi. C'est-à-dire, si je continue comme ça, ça va prendre une tournure qui est mauvaise, donc je m'isole. Ou alors, des jeunes gens qui ne supportaient plus d'avoir toujours à faire des efforts d'intégration, qui se sentaient extrêmement marginaux et qui en avaient marre d'être au bord du monde et de tout le temps être dans l'effort d'intégration. Derrière ça, y avait quelque chose d'extrêmement frappant qui était. C'est marrant, mais se mettre en retrait, c'est-à-dire fermer la porte de sa chambre, c'est effectivement faire un pas de côté, s'isoler, ne plus manifester sa présence au monde. Mais en même temps, très vite dans le travail, il est apparu que, y avait derrière quand même le désir d'être le centre de toutes les attentions. Parce que très vite, finalement, le monde tourne autour de nous et que, à la fois à l'intérieur de la chambre, on produit un imaginaire. On peut développer son monde personnel. Alors, on parlait tout à l'heure de liens avec l'extérieur, avec les réseaux sociaux, les communications. C'est plus un outil pour se distraire, mais fondamentalement, les hikikomori, ils sont dans la production d'univers, d'imaginaires, de mondes dont ils sont le centre. Et concrètement, dans la maison, ils deviennent aussi le centre de tout, quoi. Et au bout d'un certain temps, évidemment, quand une porte est fermée très longtemps, plus personne ne sait s'il est devant ou derrière la porte. Et donc les parents se retrouvent eux-mêmes en situation d'enfermement. Pour finir cette contextualisation, du coup, ce que je trouvais particulièrement intéressant à explorer, c'était pas simplement la dimension pathologique, mais cette question de où sont les espaces aujourd'hui pour développer ces mondes personnels et ces mondes imaginaires? Où est-ce qu'on peut l'exprimer? Où est-ce que ça existe? Moi, j'ai la chance de faire du théâtre. Donc ça s'exprime au théâtre. mais où sont ces espaces où la singularité est autorisée dans l'espace public, dans la société, tout simplement. Et puis, de me dire que là était le piège aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut trouver l'espace où fabriquer un monde à soi, ben on y est bien, et que c'est difficile d'en sortir, et que c'est là que l'engrenage se met en route. Et enfin, cette chose-là qui était un lien connexe, c'était de se dire, est-ce qu'il est possible en réalité qu'on soit en train de construire un univers dans lequel on cohabite, mais où en fait on est une addition de solitude, d'isolement. Est-ce que la cellule familiale, est-ce qu'on n'a pas tous vécu des moments où on se surprend au bout de 2 heures à se dire, mais est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Et du coup, ça fait émerger l'idée d'un spectacle où finalement, donc je vais vous lire quelques extraits, aucun texte n'est dit sur scène. C'est le spectacle de l'absence de la communication, d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire que c'est l'absence de vie. Et donc on rentre dans les vies intérieures de ces personnages, de ces figures qu'on voit réunies autour de trois versions, trois points de vue, trois subjectivités qui sont distribuées dans le public à l'aide de casques, avec un choix quand même qui a un niveau d'adresse, c'est-à-dire que c'est une situation qui est quand même relativement anxiogène, cette situation d'enfermement. D'ailleurs, moi, dans le travail, il y a certaines références de films, je dirais même d'angoisse, qui m'ont nourri dans le travail. Je pense à un film de Fredkin, par exemple, qui s'appelle Bug, dans lequel quelqu'un qui est convaincu qu'il est malade et atteint par un parasite arrive à convaincre tout son entourage que c'est vrai et que tout le monde risque d'être gagné par les parasites. Cette contagion, en fait, à un espace plus large que l'espace intime m'a beaucoup intéressé, mais on ne peut pas confronter tout le monde de tout âge à cette violence-là de la même manière. Donc il y a 3 niveaux d'adresse qui ont été écrits, une voix qui est pour les enfants à partir de 7 ans, une autre voix qui est plutôt pour les adolescents à partir de 11-12 ans, et une autre voix qui est destinée à un public plus adulte ou à partir de 15 ans. Voilà, qui n'emprunte pas le même point de vue, puisqu'évidemment pour les plus jeunes, le caractère de gravité, en fait, il est lié au fait qu'on évoque la durée d'enfermement. Sinon, la situation d'origine qui est s'enfermer dans sa chambre en décidant qu'on ne sortira pas, tout enfant la connaît. C'est aussi le moment où il explore la relation de pouvoir avec le monde des adultes et jusqu'où il peut aller. Mais tous les enfants connaissent aussi ce moment où eux, ils ont décidé qu'ils ne sortiront pas, mais en face, les parents ont eux aussi décidé qu'ils n'iraient pas. Et ce phénomène-là, ils le connaissent, et c'est plus cet angle-là dans lequel on rentre, et pas celui de la pathologie hikikomori. Voilà. Maintenant, je vais vous lire quelques extraits. Je ne vais pas faire trop long, parce qu'on s'est dit qu'on faisait circuler la parole, et puis je continuerai après dans un deuxième temps. Juste pour vous préciser également que, comme je le disais, ces textes ne sont pas dits sur scène. Donc tout le monde voit un spectacle, et un spectacle, je dirais, muet. Mais ce qui m'intéressait, c'est comment les corps habitent un espace, une situation. Et comment on provoque une expérience de l'empathie, où parce qu'on n'entend qu'une seule voix dans son casque, on se projette dans les autres figures en se demandant ce qui leur traverse l'esprit à ce moment-là. Et pour tout vous dire, les histoires ne se complètent pas. Évidemment, ce n'est pas les pièces d'un puzzle qui donneraient une explication et un éclairage à tout ça une fois qu'on a tout entendu, mais c'est bien des histoires qui s'autosuffisent, parce que les mondes peuvent être étanches parfois et les histoires se suffisent. Donc là, vous allez entendre des extraits du texte de la voix de Nils. Nils étant l'adolescent qui s'est enfermé dans sa chambre. Il vous reste à essayer d'imaginer les images qui pourraient se produire dessus. Il y en a des milliers possibles différentes, alors que le texte est assez factuel. Bien. Alors voilà, on y est, dans mon lit, sous les couvertures, ça vient juste de se produire. Mes parents ont pris la décision de se connecter à ma mémoire interne. Ils vont entrer dans le système de sécurité de mon cerveau et s'introduire dans mes souvenirs. Les parents ont le droit de faire ça. Il paraît que dans certaines situations, ça peut aider à régler des problèmes. On voit les flics résoudre des enquêtes comme ça dans les séries quand il arrive des malheurs, quand les enfants n'osent rien dire ou qu'ils n'arrivent tout simplement plus à parler, parce qu'il n'y a pas de mots pour dire. Comme ils ont peur pour moi, mes parents ont décidé de fouiller dans ma mémoire pour comprendre et aider leur fils. Et toi, tu vas plonger avec eux à l'intérieur de ces images. Souvent, les gens croient qu'une histoire est intéressante parce qu'elle a une bonne fin qui donne du sens à tout le reste. Dans mon histoire, c'est plutôt le début qui compte. Je m'appelle Nils. Et voilà comment ça commence. Voilà comment ça commence, ou plutôt, voilà comment ça finit. Ce jour-là, comme tous les autres jours de ma vie, je rentre du collège en vélo et traverse le salon sans un mot. Mes parents ne me regardent même pas passer. La journée n'a pas été très bonne. Quelques galères à l'école, je suis fatigué. Je m'arrête quelques secondes pour prendre avec mes yeux une dernière photo de mes parents. Je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, clap, et fin. Sur cette dernière photographie, ma mère est assise à table. Elle regarde son téléphone, ses jambes croisées. Un sourire aux lèvres, elle écrit un message. C'est une image que je connais par cœur à force de l'observer chaque jour. Ma mère, et en face d'elle, mon père, qui comme à son habitude est concentré sur la fabrication de petites maquettes, des décors en bois et des jouets que les adultes rangent ensuite très haut dans des vitrines pour que les enfants ne puissent jamais les toucher. Quand il a terminé son travail et qu'il rentre à la maison vers 6h, 6h30, mon père, pour se détendre, se remet au travail. Il utilise des minuscules outils, une petite scie, un tube de colle microscopique. Comme il a de gros doigts, ça dessine une drôle d'image, un peu comme si un géant faisait d'énormes efforts pour ne pas briser le monde des humains ou comme un dieu qui bricolerait un truc. Voilà, quand il fait ça, lorsqu'il fabrique des petits objets et qu'il les manipule avec ses grosses mains, on dirait que mon père se prend pour Dieu et que ça lui fait du bien d'y croire, de croire en lui. C'est sans doute pour ça qu'il met toute son énergie dans la création d'un monde miniature et qu'il fait pas du tout attention au reste, ni à moi, ni à ma mère assis en face de lui, qui envoie des messages pour réduire la distance avec ses amis. Avec les messages qui s'envolent dans l'espace, ce sont des petits bouts de ma mère qui se dispersent et s'éparpillent un peu partout, qui s'échappent du salon. À vrai dire, il est parfois difficile de savoir quel morceau de ma mère reste encore présent parmi nous. C'est un peu comme si le vent soufflait sur des braises chaudes. Ma mère se consume de l'intérieur et moi, je regarde impuissant le spectacle des cendres de ma mère qui se disperse de son vivant et qui danse dans la lumière. Je sens ma mère qui devient froide. Je vois son esprit quitter la pièce par petites grappes de mots et d'idées. Et dans tout ce silence, je commence à avoir peur de l'avenir. Dans l'application, il y a des raccourcis qui permettent de lire les souvenirs selon des mots-clés qui classent et organisent les images. Il suffit que quelqu'un dise à voix haute un de ces mots-clés et le logiciel crée instantanément un montage relatif à la recherche. Les films ne durent jamais plus de 5 minutes. Par exemple, tu peux t'offrir un voyage dans toutes tes premières fois de la naissance au premier jour de travail, en passant par le premier jour d'école, le premier amour ou le premier ordinateur. Si on veut creuser un souvenir plus en détail, il suffit de s'arrêter dessus et alors on peut lire toute la séquence en temps réel. Au collège, on m'a raconté que certains vieux se servent du logiciel pour revivre leur propre jeunesse en temps réel. Ça les empêche de se voir vieillir. Ils passent leur journée immobile dans un fauteuil à revivre la première partie de leur vie. Il paraît que certains finissent même par oublier de se nourrir. Au collège, on raconte tout un tas d'histoires comme ça, hyper flippantes. Chaque fois qu'elle revit cette séquence, ma mère se met à pleurer. On peut dire tout ce qu'on veut, mais... Téter le sein de sa mère quand on est bébé reste de loin l'expérience interactive la plus réussie de toute une vie. En tout cas, moi, j'ai jamais rien connu d'aussi fort. Quand je vois ce qui est devenu notre relation aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment on en est arrivé là. J'ai parfois l'impression que ma mère se fait dévorer chaque jour un peu plus par les autres avec son portable. Elle se vide de son fluide. Dans ces moments-là, malgré la fatigue qui pèse sur elle et malgré les cernes, il m'arrive parfois de surprendre sur son visage la même satisfaction et le même sourire béat que lors de ce premier jour où le lait a coulé de son téton jusqu'à ma bouche. Lorsque je surprends cette expression sur son visage, je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux et de lui en vouloir nourrir de la vie de quelqu'un d'autre, de ne pas m'offrir à moi le flux des mots qui circulent dans le silence et qui donnent de la chaleur. Au collège, c'est compliqué pour moi parce que mes parents sont considérés comme des noobs, des techno-zéros. Mon père, avec ses jouets en bois et ses maquettes, il nous fait tous passer pour des crétins. Et moi, je reste seul dans la cour du collège parce que personne n'a envie de parler avec un fils de noob. Même les profs évitent de me parler. Donc, au collège, principalement, j'attends que ça passe. Et les journées peuvent parfois paraître interminables. Du vent et des bourrasques. Toute la journée, ça a été comme ça. Les profs qui te gueulent dessus, les camarades qui te bousculent, vent et bourrasques. J'aime rentrer en vélo sur les routes désertes, l'air qui pénètre sous les vêtements, les yeux qui se plissent, la poitrine qui se gonfle, la tête qui se redresse debout sur les pédales pour aller plus vite, aller à toute vitesse. Se laver de la journée, faire du vélo, c'est comme aller au car washing, sauf que la voiture c'est toi et que la machine c'est la nature. Quand je fais du vélo, je fais marcher mes jambes et s'arrêter mon cerveau. Je me lave de la merde que les autres m'ont collée sur le front. Au collège, tout le monde se moque de moi à cause de ça. Plus personne ne fait du vélo en extérieur à part moi. Certains pensent que je veux me faire remarquer. Au début, ils m'appelaient l'original, puis c'est devenu l'orignal, après une des plus terribles journées cauchemars de mon existence. Pendant un cours de science, le prof faisait la liste des animaux en voie de disparition. Il a pris l'exemple particulier de l'orignal, l'élan d'Amérique, autrement appelé roi des forêts. Quelqu'un a murmuré, c'est Niels l'orignal, celui qui vit dans les bois, l'espèce en voie de disparition, c'est Niels. Le murmure s'est répandu. Le chuchotement s'est transformé en fou rire généralisé et moi en orignal pour le reste de ma scolarité. Les autres se contentent de me traiter de noob ou de fils de noob. Fils de. Quand je rentre chez moi, j'aimerais bien me sentir un peu plus ce fils de, que mon père me prenne dans ses bras, qu'il m'attrape avec ses gros doigts et qu'il me fasse voler dans les airs comme quand j'avais 4 ans, comme si j'étais un personnage de ses maquettes. Retrouver des sensations vraies. Au lieu de ça, je file dans ma chambre. Je prends plus la peine de m'asseoir pour un goûter dans le salon. Je chope 2-3 biscuits et je les grignote sur mon lit avant de réviser mes cours avec le répétiteur numérique. Je vais arrêter là pour l'instant. Alors je vais continuer sur les adolescents et cette fois plus avec des phrases clichés d'adolescents, mais des paroles d'adolescents, donc des adolescents que j'ai pu rencontrer dans différentes situations, dans des contextes d'accompagnement psychologique, mais aussi dans des contextes de recherche sur la question de l'adolescence ou des spécificités de l'adolescence. Les conflits à l'adolescence ont parfois pour origine des événements qui sont finalement de faible importance, mais qui ont des effets en chaîne. L'adolescence sert de ses capacités intellectuelles pour transformer le conflit en un théâtre, une mise en scène. Sur plusieurs registres, cette mise en scène, qui peut être, ça peut être un registre dramatique, un registre judiciaire ou autre. Souvent, on observera même un élargissement du conflit aux générations, avec des propos assez clichés, ceux-là pour le coup, de toute façon, t'y comprends rien. Les réactions adolescentes s'inscrivent successivement de diverses manières dans la problématique œdipienne. Conflit de jalousie, jalousie fraternelle, conflit avec la mère, conflit de pouvoir dans la relation père-mère-adolescent. Alors ces propos d'une jeune adulte, qu'on peut encore considérer comme une adolescente hein, de 19 ans, qui dit... Ma mère, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Sans elle, je serais restée plus bas que terre. J'aurais jamais pu devenir ce que je suis. Mon père, j'ai toujours été sa fierté. Il me poussait en sport, en plus j'étais bonne. J'étais sa fille chérie. Fallait pas me toucher, mais à force, il m'a étouffée. À 16 ans, je suis partie de chez moi. À l'appui de la conception un peu critique de l'adolescence, assez classique, On va supposer que le jeune va s'émanciper de la tutelle de ses parents au profit du groupe de pères dans lequel il s'est intégré. Alors cette adolescente de 16 ans qui dit « Le mieux est de faire comme tous les autres, de s'habiller presque de la même manière, sans toutefois acheter exactement les mêmes vêtements. » Ou encore ce garçon de 14 ans qui dit « Moi, je crois qu'on fume tout pareil pour ressembler aux adultes et parce qu'on est avec des copains. » Les modèles parentaux perdraient alors de leur attirance du fait de la confrontation à d'autres systèmes de référence. Et ce désintérêt axiologique va impliquer un désinvestissement affectif associé à des engagements externes. Dans une conception un petit peu plus continuiste, on va dire, de l'adolescence, les conduites de l'adolescent et de ses parents évoluent en fonction des nécessités adaptatives, aussi bien dans le domaine familial que dans le champ scolaire, professionnel. Le développement pubertaire et l'accès à la sexualité vont augmenter finalement les difficultés de communication et la distance émotionnelle avec les parents. Ce garçon de 15 ans qui dit « En fait, je ne sais pas, je préfère pas y penser parce qu'il y a des jours où ça me prend tellement la tête que j'ai envie de tout casser. » La communication est à la fois plus différenciée mais aussi plus conflictuelle et il a été remarqué que cette conflictualité était souvent plus avec la mère qu'avec le père. Une fille de 18 ans qui dit « C'est des sujets pas possibles avec mes parents, surtout avec maman. C'est plus facile d'en parler avec des personnes étrangères. Je me bloque et par moments je ne veux plus voir personne. Je ne veux plus parler à qui que ce soit de ma famille. Je préfère rester dans ma chambre parce que je pleure sans raison et ils ne comprennent pas. Mais maintenant, ça va mieux. » La sexualité aussi oblige à renégocier cet espace familial, à réactualiser éventuellement le vécu incestueux, entre guillemets, antérieur, dans le sens où les câlins sont plus difficilement acceptés, on voit parfois émerger une quasi-intolérance au physique des parents. Les parents doivent donc modifier leur comportement éducatif pour faciliter et poursuivre l'échange relationnel avec leur adolescent. Le couple parental, au moment de l'adolescence, est confronté à une remise en question de son système éducatif, celui établi jusque-là. Et il semble qu'à cette période soit associée une modification des rôles parentaux qui vont orienter dorénavant vers une implication, un soutien mutuel entre le père et la mère. Autrement dit, l'adolescence entraînerait un remaniement des relations coparentales. Mais inversement, l'accès à l'adolescence peut aussi augmenter la mutualité entre les parents et l'adolescent. Les progrès intellectuels facilitent la coopération sociale. L'adolescent devient plus apte à comprendre les parents, à accepter aussi leurs émotions et leurs stratégies. Par des échanges, même heurtés parfois, une compréhension réciproque peut alors s'installer. Les relations entre pairs facilite l'accès à la dynamique sociale extra-familiale, à l'appropriation des codes, à la gestion de types relationnels nouveaux. Le groupe de pairs introduit une expérience intermédiaire entre le vécu familial et le vécu affectif de l'âge adulte. Il permet l'accès à de nouveaux rôles sociaux, provoque l'affrontement des deux situations significatives qui sont les premières relations amoureuses, la possibilité aussi de faire des confidences. Et finalement, nous pouvons nous questionner. Les conduites de l'adolescent transforment-elles les stratégies des parents ou bien celles-ci orientent-elles le style de comportement de l'adolescent? Quelles sont les conditions qui vont faciliter ou freiner son accès à l'autonomie, à la maturité, à la responsabilisation, à l'engagement social? Et puis, comment réagir? De quoi ont besoin nos adolescents? Quelle période surprenante de l'existence complexe, compliquée qu'est l'adolescence? Elle est effractante, cette période. Elle est déstabilisante, elle met en exergue l'ambivalence. Mais en même temps, ces adolescents sont tellement touchants. Ils nous révèlent finalement à nous-mêmes qui nous avons été un jour. Cette adolescente de 15 ans qui dit « Les adultes parlent des jeunes sans chercher à discuter avec eux ». Nos adolescents ont à la fois besoin de cadres, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Toutefois, les réponses adéquates à la détresse ne sont pas aisées à trouver. Les sentiments de sécurité, de reconnaissance vont être facilités par le fait, par exemple, de se sentir aimé, respecté, estimé par sa famille, ses amis et les autres. Mais pour se laisser aller à ces sentiments de sécurité et de reconnaissance, on va aussi observer parfois une étape de vérification de la solidité, de la sincérité, de l'authenticité et des limites aussi de la famille. Cette vérification, elle est nécessaire. Elle a été en même temps amorcée dès la petite enfance, hein, et elle peut apparaître à un moment donné assez brutalement dans la communication familiale, ce qui peut laisser place alors à une crise. Et la crise, elle peut être comprise comme une phase de transition finalement, où le jeune va composer avec ses identités multiples, va effectuer des transactions afin d'en développer une plus qu'une autre identité. Et cette transition crisique, elle est à la fois l'occasion d'une croissance pour la personnalité dans son dépassement, mais en même temps, elle représente un danger parce qu'elle augmente la vulnérabilité. Cette fille de 13 ans qui dit « Moi, quand tout le monde m'énerve, je mets mes écouteurs sur les oreilles et je suis tranquille, seule avec ma musique. Après, ça va mieux. » L'issue de la crise n'est pas toujours négative. En effet, par la négociation, par l'effort de médiation, la crise est aussi une recherche de solutions dans l'engagement, l'innovation sociale. Elle permet d'articuler les différences. Et c'est par la crise que vient la nécessité de chercher appui, de trouver un réconfort, nous dit K.S. La crise identitaire est révélée par des comportements d'hésitation, de confusion, dans l'articulation de l'histoire passée, de l'histoire présente, pour un avenir réalisable. Alors, je vais vous parler, citer les paroles de Lisa, qui a 15 ans, qui est rencontrée dans un service hospitalier à la suite d'une tentative de suicide. Elle dit « Avec ma mère, j'étais assez câline, jusqu'à un certain âge, l'adolescence, où les parents, c'est « on ne veut plus les voir ». C'est vrai que quand j'étais petite, j'étais vachement attachée à ma mère. On ne parlait pas souvent, mais je ne me souviens plus trop. Je ne me souviens plus trop des relations que j'avais avec elle. Mais si, je me souviens quand même, tout le temps d'être sur ses genoux. Avec mon père, disons que je le voyais déjà un peu moins souvent parce que ça dépend s'il travaillait ou pas, ou l'après-midi ou le matin. Mon père est un peu axé sur le sport et il voulait absolument que je fasse du sport. Alors moi, vu que je voulais tout faire comme lui, j'ai fait du sport. J'ai donc fait de l'athlétisme. Et donc, il me poussait vraiment à faire du sport. Il disait « n'arrête pas, continue ». Tout ça, disons que moi, je me suis sentie un peu à toujours vouloir mieux faire, sinon d'avoir peur de le décevoir. C'est comme avec ma mère, c'est avec le travail. Toujours vouloir bosser encore plus pour pas la décevoir. Disons que en sport et à l'école, je réussissais, mais j'ai mis beaucoup d'efforts dedans. Avec ma mère pour pas la décevoir. Je sais pas, de l'effort, de pas de concurrence, enfin si un peu parce que j'étais toujours en concurrence avec mes amis parce que je voulais tout le temps être la meilleure. Donc toujours beaucoup de souffrance dans notre relation. Et puis le partage aussi. Et puis la complicité aussi. On partageait nos petits secrets entre filles. Disons que mon père, enfin, il a un cœur, mais il a une grosse coquille, mais tous ses sentiments, il les reporte par la colère. Quand il rentre, il est tout le temps en train de crier. Je me demandais s'il avait vraiment un cœur. Et j'ai compris beaucoup plus tard, l'année dernière, j'ai compris vraiment très tard qu'il m'aimait. Je pense que mes parents ne se sont pas rendus compte que je me posais autant de questions. Je suis un peu perdue dans mes pensées en ce moment. Il y a un âge où je me suis rendue compte que tout était lié, depuis que j'étais petite, que tout ça était lié, la personne que j'étais, enfin, que je suis maintenant, que j'ai commencé à construire en 2-3 ans. Et cette personne était très liée à tout ce que j'avais vécu durant mon enfance. C'est tout confus dans ma tête et je suis un peu perdue. Alors cette adolescente, elle nous donne l'image d'une adolescente qui a une image narcissique endommagée et son passage à l'acte suicidaire a traduit une souffrance importante. La question est pour elle, comment arriver à mettre en parole, à mettre en pensée l'impensable? Et finalement, toute relation avec un autre peut être vécue de façon dangereuse, insécurisante. Du coup, il faut proposer une structure qui va être rassurante, avec des principes, principes de bienveillance, principes de prendre soin et le principe de non-exclusion. Alors, on va pouvoir, dans ce travail, avec ces trois principes, finalement amortir dans un premier temps les passages à l'acte pour remobiliser en créant, par exemple, des ateliers à visée thérapeutique, aider à gérer l'angoisse qui est très importante, et puis retravailler ou travailler la séparation, l'idée de la séparation. Bien souvent, ces jeunes qui sont en crise et en souffrance importante, ils sont aussi en permanence dans la vérification de la solidité du lien. C'est le lien, c'est le lieu de projection de l'agressivité. Alors, on peut essayer de fonctionner par réparation, avec un retour, ce que je disais tout à l'heure, au cadre, un retour, un rappel à la loi finalement, des explications aussi par l'accompagnement, par la mise en projection. Et puis, pourquoi pas, la création dans le sens de la réparation matérielle finalement, comment on peut recréer quelque chose, comment l'adolescent peut lui-même créer et proposer des solutions après un passage à l'acte par exemple. Donc c'est un travail de mise en mots, c'est un travail de mise en sens qui nécessite des engagements, par exemple la permanence du cadre, l'unité du lieu et l'unité des personnes présentes, la disponibilité des personnes présentes. Et puis on va passer par de la médiation pour pouvoir amener l'adolescent à être dans une position active, le faire devenir finalement acteur de sa vie. Je vais poursuivre donc l'histoire de Nils. Le grand cerf qui mange des glands sur le tapis de mousse de la forêt, c'est moi. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris le jour où j'ai commandé ce costume sur Internet. Ça s'est passé en quelques minutes. Comme d'habitude, j'étais en train de regarder des conneries, les posts Facebook du collège, de faire des recherches un peu au hasard pour m'occuper, et puis ma pensée a bifurqué. J'ai lancé une recherche rapide, orignale, et en scrollant la page, je suis rapidement tombé sur l'image d'un costume d'élan. J'ai payé, livraison en 48 heures. J'arrive pas vraiment à y croire. Qu'est-ce que j'avais dans la tête à ce moment-là? Commander un costume de roi des forêts. Putain, j'arrive pas à y croire. Mais le pire, c'est que je me dis que ça va bien m'aller. Lorsque le colis a été livré, j'étais seul à la maison. J'ai vérifié que la porte de ma chambre était bien verrouillée. J'avais pas vraiment quoi faire de ce costume. Alors, j'ai commencé par les pattes, délicatement. J'ai enfilé toute la peau. J'ai senti la chaleur envahir mon corps. J'ai passé le masque sur mon visage, positionné les bois sur ma tête. J'ai avancé timidement vers le miroir. J'ai redressé la tête. J'ai gonflé la poitrine. Sa Majesté, le roi de la forêt. Le grand cerf qui mange des glands sur le tapis de la chambre, c'est moi. La nuit, j'ai du mal à m'endormir. Alors le matin, j'ai du mal à me réveiller, normal. Ma mère dit que c'est des angoisses nocturnes et qu'il faudra en parler à quelqu'un, mais moi je dis que c'est pas si grave. Pas si grave. J'ai cessé d'aller au collège par hasard. Ce matin-là, je suis arrivé un peu plus en retard que d'habitude et j'ai trouvé porte close. Au lieu de sonner à la grille, je me suis assis un instant sur le bord du trottoir. J'ai posé mon sac et j'ai attendu que la patrouille vienne me chercher. Avec le système de géolocalisation intégré, c'est l'affaire que de quelques minutes. Quand tu n'es pas là où tu devrais être, à l'heure où tu devrais y être, ta puce envoie un signal à tes parents pour les prévenir. Votre enfant ne s'est pas présenté au collège, souhaitez-vous qu'il soit géolocalisé. Si ta mère ou ton père répondent oui, ça prend à peine quelques minutes pour te retrouver. Au bout d'une heure, la patrouille était toujours pas là. J'ai commencé à me dire que la géolocalisation devait déconner, puis j'ai fini par comprendre qu'elle manquait juste de précision. Comme j'étais resté devant l'entrée du collège, le système d'alerte ne fonctionnait pas. J'ai pas osé bouger de la journée. Je suis resté là, immobile, jusqu'à ce que les autres sortent de cours. J'ai laissé le flot des élèves se disperser, puis une fois la rue redevenue calme, j'ai pris moi aussi le chemin de la maison. On a tellement confiance dans la technologie que lorsqu'elle dysfonctionne, personne ne s'en rend compte. La technologie seconde l'humain, mais l'humain ne prend jamais le relais de la technologie. L'humain croit en la machine. Les profs ne font plus l'appel parce qu'ils savent que la géolocalisation nous surveille. Les parents ne posent plus de questions parce qu'ils peuvent vérifier le cahier de liaison numérique. Les enfants peuvent disparaître du jour au lendemain parce que tout le monde est convaincu que leur absence est normale. Tout simplement parce que s'il y avait un problème, on en serait informé. Un mois que je ne vais plus au collège. Un mois que je ne prends plus les repas avec eux. Ma chambre est devenue un taillis épais dans lequel je m'abrite. La nuit, je ne dors pratiquement plus. Je reste les sens en éveil. Derrière la cloison, je guette les bruits de l'extérieur. Père et mère dorment. Père et mère n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la tanière de leur fils. Leur instinct, ils l'ont perdu. Ce sont des animaux domestiqués par la ville. Derrière la cloison, j'entends des dialogues espacés avec des silences plus longs que les répliques. Personne n'a jamais appelé chez moi pour prendre de mes nouvelles. Même pas Joe, le seul mec avec qui je pouvais encore parler au collège. Les premiers temps, ça m'a fait bizarre, mais finalement, c'est bien comme ça. Au moins, c'est clair. De l'autre côté de la porte, à l'extérieur de ma chambre, je ne manque à personne. Bien, donc je vais reprendre. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de reprendre après avoir écouté Joris Mathieu, parce que le texte est tellement poétique que voilà, je me dis que décidément les artistes savent mieux dire les choses que les universitaires. Il n'y a pas de doute. Je vais essayer donc de façon très. Enfin, je vais quand même essayer de vous dire quelque chose, mais je pense qu'il a déjà tout dit en fait. Mais bon, je tente quand même ma chance, on va dire. Donc, je vais reprendre un petit peu sous le même modèle que tout à l'heure, vous livrer quelques petites réflexions théoriques et puis un petit moment clinique, voilà. Pour poursuivre peut-être cette fois-ci sur la question de l'adolescence et le rapport à l'imaginaire et au monde virtuel. Je vais donc me centrer un petit peu plus sur cette question. Alors, tout à l'heure, j'ai effectivement surtout évoqué la question du bouleversement pubertaire qui marque l'adolescence. On va dire celui-ci a pour conséquence la perte de contrôle sur son corps, sur ses désirs, ce qui lui donne finalement le sentiment d'être, je dirais, subitement sans défense. Donc l'adolescence, c'est de ce point de vue un moment de fragilité parce qu'on perd le contrôle sur son corps et c'est ce que Françoise Dolto a appelé d'ailleurs le complexe du homard. Alors pourquoi cette métaphore? Parce que le homard, alors ça me fait penser au cerf, mais le homard abandonne effectivement à un moment donné sa carapace. Et l'abandonne sa carapace en l'attente de la construction d'une nouvelle carapace. Et bien l'adolescence, ce serait peut-être cette période-là, cette période de transition où on est sans carapace et donc finalement vulnérable, sans protection pour se défendre. Et quand on n'a rien pour se défendre, eh bien il y a deux options, soit on attaque, soit on se met dans une position de repli. Donc voilà, c'était pour signaler que l'adolescence était cette période sans doute de transition, aussi bien psychique que physique, voire sociale également. Voilà. Alors, ce qui complique cette transition, ce passage de l'enfance vers l'adulte, c'est l'état de dépendance économique, puisque je parlais aussi de la dimension sociale, c'est-à-dire l'état de dépendance économique du jeune à l'égard de ses parents. Et ce qui est renforcé sans doute aujourd'hui par l'augmentation, on va dire, de la durée des études, la difficulté à trouver un emploi, et effectivement les limites qui sont posées aussi à la création et à l'expression dans l'espace public, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est un peu ce que décrit d'ailleurs le film Tanguy. Donc l'adolescence est donc cette période donne aux conduites du jeune parfois des allures pathologiques. Je dis des allures pathologiques, mais qui pour autant ne le sont peut-être pas et qui ne doivent pas nécessairement inquiéter. Par exemple, on voit souvent à l'adolescence se développer une espèce de paranoïa ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Le jeune développe une susceptibilité souvent excessive, qu'il conduit à se sentir persécuté en quelque sorte. En fait, étant soumis lui-même à ce que l'on pourrait appeler, nous, les psychologues, à la violence de la poussée pubertaire, il est en quelque sorte attaqué du dedans et il projette au dehors, finalement, son malaise sur la scène extérieure et il s'éprouve alors comme attaqué du dehors. Ce qui explique sa conduite un peu paranoïaque, entre guillemets. Et il se défend de ses propres mouvements agressifs, on va dire, à l'égard de ses parents, les projetant sur ses parents. C'est-à-dire qu'il a le sentiment que c'est ses parents qui le rejettent et qui sont agressifs avec lui. Donc il va avoir tendance à s'opposer systématiquement à leurs valeurs, par exemple, et ce qui va alimenter, bien sûr, le conflit générationnel. Donc, il faut savoir que grandir, ça veut dire aussi pousser un peu les autres hein, pour prendre sa place. Donc, l'adolescent doit pousser un peu ses parents, leur tourner le dos, en quelque sorte, pour tourner le dos à son enfance et grandir. Alors, le remède, j'ai envie de dire, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe, car sur le fond, dans cette période-là, l'adolescent veut rester un incompris. Il veut surtout s'assurer que personne n'y comprend rien, rien à rien. Car il veut échapper à la relation de dépendance. L'enjeu, il est bien sûr œdipien, évidemment, à cet âge-là, et il doit effectivement s'éloigner des figures parentales pour trouver ailleurs de nouvelles figures à aimer, de nouvelles possibilités, on va dire, identificatoires. D'où le refuge qu'il trouve en devenant parfois un fan d'idole, de la chanson, du cinéma, de la musique, du sport. Donc l'adolescent doit faire le deuil de son enfance, le deuil de ses attachements affectifs forts, attachements affectifs qui étaient au départ adressés à ses parents. D'ailleurs, je trouvais tout à l'heure que ce que vous avez présenté sur cette mère qui devient froide, c'est véritablement ce que j'essaye de dire un peu intellectuellement, mais c'est vraiment ce travail de deuil, cette mère qui nous échappe. Voilà. Donc, pour poursuivre là-dessus, il déplace donc on va dire, ces attachements affectifs forts. Il les déplace donc au profit d'amours passionnés qui sont donc en dehors du cadre familial. D'ailleurs, plus l'adolescent nourrit un attachement fort à ses parents, et donc plus il a été avec eux dans une relation fusionnelle, et en fait, plus le détachement va être difficile, plus l'opposition sera forte. Donc finalement, plus l'adolescent agresse ses parents et plus en fait il leur dit qu'il les aime. Voilà, donc vous voilà rassuré. Si votre adolescent vous hait, s'il vous crie dessus, s'il est très en colère contre vous, c'est bon signe, c'est qu'en fait, il vous adore. Donc c'était pour vous rassurer un peu, et il faut simplement voilà, être patient. Mais au fond, l'adolescent, finalement, il est dans une position d'inquiétude face à l'autonomie qui s'annonce. Alors évidemment, il met son truc de serre et tout, il fait le fiero, mais au fond, il flippe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de ne pas être à la hauteur, c'est pour ça qu'il se regarde dans la glace. Est-ce que ça va? Est-ce que je suis à la hauteur? Donc, ce qu'il ne faut pas faire, j'ai envie de dire, surtout avec les adolescents, c'est essayer de récupérer leur témoignage d'amour, parce qu'on est un peu tenté quand même, hein, quand ils sont toujours en train de nous agresser, on aimerait bien qu'ils nous disent qu'ils nous aiment un peu. Donc on cherche quand même, t'es sûr que tu m'aimes pas un petit peu? Ben non, pas du tout. Donc soyez patient, j'ai envie de dire, restez à votre place de parent, acceptez la confrontation, c'est un peu inéluctable, l'inévitable conflit. Résistez aux turbulences, le temps va faire son œuvre. Le plus inquiétant, au fond, c'est quand l'adolescent trouve son parent parfait. Alors là, moi, je pense que c'est un vrai sujet d'inquiétude. Bon, ça n'arrive pas très souvent, hein, mais il y en a quelques-uns, quand même, qui sont impressionnés d'avoir des parents trop parfaits. Et là, c'est quand même super compliqué, hein, pour un adolescent d'avoir un parent parfait, je vous assure. Ça ne donne pas envie de grandir. On n'a aucune chance d'être aussi parfait que son parent parfait. C'est là le problème. Donc, voilà, rester à sa place, ça veut dire ne pas devenir aussi le copain. C'est un peu problématique. Donc, il s'agit de ne pas renoncer à l'affirmation de son autorité. L'adolescent a besoin de tester des limites, de se confronter à l'autorité. Il a besoin de les attaquer pour surtout en vérifier la solidité. C'est ce que disait Aubry de Vinet tout à l'heure sur la solidité du lien. Mais il faut ajouter que quand il y a trop d'autorité, l'adolescent peut aussi se sentir traité comme un irresponsable. Et quand il n'y en a pas assez, il a le sentiment qu'on l'abandonne. Alors, c'est compliqué. Vous voyez que la mission de parent, c'est quand même une mission d'équilibriste. Hein. Il faut être un peu funambule. Donc l'adolescence, tout cela pour dire que l'adolescence, c'est un âge tout à fait contradictoire, plein de paradoxes, où le rejet de l'adulte, j'ai envie de dire, est à la hauteur du besoin qu'il en a. L'adolescence, c'est aussi une période qui est propice à l'isolement, au repli et l'espace refuge. Et bien, dans la société d'aujourd'hui, c'est effectivement, en tout cas, ça peut être tout à fait le monde virtuel, les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Je vous fais juste une petite histoire clinique rapide. Je vais vous parler de Nathan qui a 14 ans et qui est en quatrième. C'est un bon élève, mais il inquiète ses parents car il passe son temps sur les écrans, les jeux vidéo et s'isole de plus en plus à la maison. Et il refuse désormais de partager le repas familial. Bon, il n'en est pas encore au passage du plateau, mais quand même, il ne mange plus il mange plus avec eux. Et en fait, il a pris l'habitude de manger dans sa chambre. Et les parents ne savent plus comment faire, parce qu'ils ont essayé de changer ça, mais non, c'est pas possible, il veut manger dans sa chambre. Bon, enfin, ça, c'est quelque chose parmi tant d'autres. Mais du coup, ils ont décidé de venir voir un psychologue, parce qu'ils ne savent plus comment faire. Ils ont cédé pour les repas, parce que sinon c'était infernal, me disent-ils. Nathan a une porte de chambre envahie de messages interdiction d'entrée et passe son temps, semble-t-il, allongé sur son lit, à jouer en réseau avec ses amis. Il le fait en cachette, y compris très tard dans la nuit. Donc la seule solution, c'est d'arracher la box. Sinon, voilà. Nathan dit qu'il ne fait rien de mal et qu'il a juste envie d'un peu d'intimité dans sa chambre. Il ne comprend pas trop pourquoi ses parents veulent finalement s'introduire dans cet espace intime. Et il reconnaît que sa passion pour les jeux vidéo. Et quand je le rencontre, il me dit que de toute façon, voilà, c'est vrai qu'il aime ça, il se trouve bien dans cet univers. Et il a une autre passion, c'est le saut à l'élastique. Donc, j'arrête sur le petit exemple clinique, mais c'est pour vous dire que l'adolescent, il y a un moment où effectivement, il a besoin de trouver un refuge loin des adultes, car comme je l'ai indiqué déjà précédemment, cette prise de distance, elle est nécessaire pour lui, pour qu'il puisse s'affirmer et prendre son autonomie physique et également affective et psychique. Et le premier lieu refuge, c'est bien souvent sa chambre qu'il personnalise. Vous savez, il y a un moment où les adolescents, ils ont besoin de personnaliser la chambre. Alors si vous venez de refaire la chambre, c'est pas de chance pour vous, parce qu'elle va être vite envahie de tas de voilà de déco qui risquent de nouveau de perturber ce que vous avez fait. Bon, alors il privatise sa chambre et il privatise beaucoup la porte des chambres, de la chambre. Vous voyez le petit exemple que j'ai mis là sur les messages de la porte. Et alors avec les réseaux sociaux, l'adolescent a aussi l'avantage finalement, quand il peut se réfugier alors dans ce monde-là, derrière la porte de sa chambre, de pouvoir se passer également de négocier les permissions de sortie. C'est quand même pas mal, hein, ça permet de rencontrer ses amis sans avoir besoin d'en demander la permission. Donc il découvre aussi à cette occasion un espace de liberté. Derrière la porte de la chambre, c'est aussi un nouvel espace de liberté pour lui. Et ça lui permet de maintenir aussi le lien avec les autres à travers les jeux ou les réseaux ou le SMS également. Donc ça me semble un point important, en tout cas pour certains adolescents, notamment très timides, ça sauvegarde aussi l'expérience de la socialisation. Mais ça peut aussi effectivement contribuer certains à l'isolement. Et on peut ajouter que ces nouvelles pratiques participent donc au conflit générationnel, d'autant plus que les adultes maîtrisent beaucoup moins bien que les adolescents cet univers. Alors les jeux vidéo, on va dire, ouvrent à ce titre pour l'adolescent, je vais parler un petit peu plus des jeux vidéo, un formidable, on va dire, terrain refuge pour déplacer finalement sur une scène virtuelle le combat, l'agressivité, la compétition. Et l'espace du jeu vidéo est ici un lieu où on peut reprendre le contrôle, ce fameux contrôle qu'on avait perdu, et on peut récupérer un sentiment de toute puissance infantile, qui laisse entendre que tout à coup, tout serait de nouveau possible. Mourir, tuer, aimer dans un autre monde, un monde virtuel, va présenter aussi pour l'adolescent, on va dire, une dimension cathartique, mais aussi une dimension initiatique. L'univers du jeu peut lui permettre aussi d'échapper à la peur de la vraie vie et proposer par le biais des jeux donc l'occasion aussi de finalement s'installer dans une nouvelle forme d'appartenance, parce qu'il devient aussi membre d'une communauté, la communauté des joueurs, dans laquelle il peut aussi se confronter avec ses pairs. Donc le jeu vidéo occupe, de ce point de vue, une fonction psychique pour l'adolescent. Il peut, par exemple, s'identifier à l'avatar, se réfugier à ce titre dans une espèce de personnalité d'emprunt, secourable, car elle lui permet d'accéder au prestige. Parce qu'on peut être excellent et on est classé dans ses résultats. De plus, dans les jeux en réseau, le personnage évolue, ce qui est aussi un point très important. Et il évolue au sein d'une communauté de joueurs où donc des échanges sont possibles. Le plus souvent, à part pour, je dirais, les jeunes qui présentent des troubles psychiatriques, parce que l'adolescence est aussi un âge où effectivement on rentre dans des problématiques psychopathologiques qui peuvent être graves, les adolescents, de manière générale, font clairement la différence entre le monde réel et la virtualité. Et ils aiment partager à plusieurs aussi cette activité, qui est pour eux un moment de plaisir, de détente, mais aussi d'excitation. C'est aussi un lieu qui est le lieu du plaisir, ça c'est important. Et puis, autre élément important, le jeu a la qualité d'être toujours disponible. L'écran est toujours là, on peut toujours se satisfaire, et cela rapidement, immédiatement. Le risque, ceci étant dit, est quand même le surinvestissement, je dirais, du jeu, au détriment des autres investissements affectifs, sociaux, scolaires, on va dire. Le risque, c'est en quelque sorte l'addiction sans substance. C'est en quelque sorte la cyberdépendance. Car il peut être effectivement compliqué de quitter un monde où on est hyper performant, ultra performant. Ce qui est séduisant finalement dans ce monde-là, c'est qu'on peut se sentir le maître du monde. Quand on se sent le maître du monde, eh bien, on n'a pas nécessairement envie de quitter le monde où on est le roi et pour retourner vers une réalité qui est beaucoup moins valorisante. Il se peut aussi que ce soit à certains moments spécifiques aussi que dans des périodes difficiles, l'adolescent abuse de cette pratique, on va dire, pour fuir une réalité pénible. Et là, il s'agit en quelque sorte pour lui le plus souvent de s'anesthésier, en quelque sorte, pour trouver un échappatoire. Donc plusieurs facteurs sont à considérer quand on réfléchit au lien qu'entretient le jeune avec les jeux vidéo, par exemple. Et notamment, il faut aussi prendre en compte la nature du jeu, parce qu'il y a évidemment des jeux extrêmement différents qui ne mobilisent pas les mêmes enjeux. C'est là où le tiers, en tout cas quand la dépendance devient trop forte, on va dire, c'est là où le tiers peut être utile pour permettre la prise de conscience et éviter la dérive, je dirais, de l'engagement. La dépendance au jeu, elle peut aussi parfois s'inscrire dans une modalité, on va dire, affective, où il s'agit en fait d'entrer en opposition avec l'autorité et se présenter en quelque sorte comme une transgression au service de la rivalité générationnelle. Cependant, je crois qu'il faut avoir une vision aussi positive des jeux vidéo, parce que des jeux vidéo, des écrans, des réseaux sociaux qui s'offrent aujourd'hui, parce qu'il me semble que cela fait partie de l'offre culturelle contemporaine actuelle, et il est normal et plutôt bienvenu que les adolescents se saisissent de cette offre culturelle actuelle, qu'ils s'en saisissent comme terrain d'expérimentation. Donc il ne s'agit pas de pathologiser, j'ai envie de dire, le lien qu'ils peuvent entretenir avec ce monde-là, même s'il y a des cas extrêmes. Sinon, si on pathologise, je dirais, le lien qu'ils entretiennent, on risque d'accentuer le fossé générationnel qui est déjà à l'occasion, je dirais, de tensions et de ruptures d'échanges parfois. J'aime bien ce que dit Serge Tisseron à propos des jeux. Il compare le rapport qu'entretiennent les jeunes avec le jeu vidéo avec le rapport qu'ils entretiennent avec la fête foraine. Et il dit que c'est la même fascination, finalement, pour les jeux vidéo, pour la fête foraine. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche des sensations fortes. On cherche des sensations vertigineuses. D'ailleurs, rappelez-vous Nathan, qui est passionné de jeux vidéo, il aime bien aussi le saut à l'élastique. C'est plutôt bon signe. Je veux dire, il ne reste pas confirmé devant ses jeux vidéo. Il va quand même se jeter en haut du pont. Mais il est attaché, je vous rassure. Donc, il y a là quand même quelque chose qu'il cherche à éprouver de sa limite pour vérifier son sentiment d'existence. Et ça, c'est, je dirais, assez typique. Les jeunes aiment effectivement, les adolescents aiment prendre des risques pour vérifier finalement qu'ils existent. Ils se mettent à l'épreuve pour éprouver leurs limites, pour éprouver qu'ils sont capables, et ils se mettent à l'épreuve dans des registres différents. Donc ça peut être la scolarité d'ailleurs, mais le sport, la sexualité, le monde virtuel, voilà. Alors bien sûr, quand ils se mettent à l'épreuve comme ça, il y a toujours des risques de déviance, on va dire, sur ce chemin-là. Mais en même temps, on ne peut pas grandir sans en passer, j'ai envie de dire, par des errances. Parfois on se trompe de chemin, on se trouve dans un labyrinthe, on n'arrive pas à sortir, et puis tout à coup la porte s'ouvre. Donc l'essentiel, c'est de veiller à ce que l'adolescent puisse se retrouver. Je vais conclure, pour vous laisser aussi un petit peu la parole, pour dire que de manière générale, je crois qu'on peut souligner qu'effectivement, l'adolescence est le moment d'une aventure tumultueuse et qui doit en principe permettre une entrée favorable dans le monde adulte. Mais encore faut-il, je dirais, que le monde adulte soit lui prêt à accueillir l'adolescent et lui ouvre la porte, notamment par le dialogue, pour qu'il puisse, je dirais, entrer favorablement dans le monde adulte. Voilà, je vous remercie. J'ai plutôt passé celui-là pour la salle. Ouais. Si vous avez des questions, des remarques à faire aux intervenants. Je reviens à Nathan, que vous avez évoqué à l'instant. Le choix de l'élastique comme sport, qui est un sport bien sûr très dangereux, n'est-il pas symbolique d'un état d'esprit de suicide éventuellement ? Alors c'est vrai qu'on peut se dire que finalement il y a là quelque chose qui s'apparente à l'expérience suicidaire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est attaché par l'élastique quand même quand il saute. Mais effectivement, il y a mais contrairement à ce qu'on peut penser, les jeunes qui s'engagent dans des pratiques à risque ne cherchent pas à mourir. Ils ne cherchent pas à mourir. Au contraire, ils cherchent à vivre. Ils cherchent à vérifier qu'ils sont vivants. Donc là, et c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à avoir recours à des sports extrêmes pour justement retrouver des sensations fortes et peut-être expérimenter, je dirais, leur corps autrement. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le corps grandit, il acquiert des nouvelles compétences aussi physiques et il cherche en fait à éprouver les limites de ce corps aussi. Ce nouveau corps finalement qui est désormais le mien, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut me conduire. Donc il cherche en fait à éprouver les limites de ce corps. Donc moi je trouve ça plutôt positif qu'en fait cette expérience-là, elle s'organise par exemple sur le plan sportif parce que je dirais que là elle peut prendre du sens. Mais par contre quand ça ne peut pas s'expérimenter dans ces terrains-là, eh bien ça va peut-être s'expérimenter dans des expériences beaucoup moins sécurisantes, hein, effectivement. Je ne sais pas si je réponds bien. Par rapport à Lisa qui a fait une tentative de suicide, là je vous ai pas lu de ses propos sur sa tentative, mais quand elle parvient à en parler, mais elle en parle pas tout de suite, c'est pas la première chose qu'elle dit d'elle, parce que elle n'est pas sa tentative de suicide, elle est autre chose, elle est une autre construction. Mais quand elle en parle, en fait. Elle dit qu'elle voulait pas mourir, c'était pas son but. Donc il y a eu ce passage à l'acte, c'était pas pour mourir, c'était pour continuer de vivre, mais pour avoir cet appel, ce regard extérieur et puis être à nouveau le centre des préoccupations. Et là, ça rejoint un peu ce que Joris disait tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec le saut à l'élastique, mais je voulais rebondir sur ce que vous. Vous disiez en conclusion sur le rapport au nouveau mode de communication, plus que par rapport aux jeux vidéo où c'est particulier, mais en même temps c'est pas très éloigné. Il y a cette question en fait, je pense, qui traverse. Bon, effectivement, on peut pas condamner définitivement, absolument le recours à d'autres modes de communication. Simplement, on est obligé de constater, je trouve que ça c'est aussi un sujet passionnant à explorer aujourd'hui artistiquement, d'abord parce que c'est ici maintenant que ça se passe, mais ça produit la société de demain. C'est-à-dire que les communications dans lesquelles on s'engage, les communautés qui se fabriquent, s'appuient sur des outils qui rendent ces communautés très très concurrentielles avec ce qu'on avait coutume de considérer comme étant avec évidence le réel. Je veux juste attirer l'attention sur le fait que depuis qu'on parle de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, on en vient à être obligé, ce qui ne nous aurait pas passé par l'esprit auparavant, de définir ce qu'est la réalité réelle. Et on entend de plus en plus cette expression apparaître. Et tout ça pour dire qu'en fait, moi, je me surprends aussi à voir, ne serait-ce que dans les transports en commun, dans l'espace public, on voit des expressions apparaître sur les visages des gens qu'on ne voyait pas apparaître dans l'espace public. On voit des émotions, on nous dit que c'est des cultures froides, mais en même temps, c'est des choses qui produisent de l'émotion. Et c'est de l'émotion vécue, de l'émotion ressentie, de l'émotion réelle. On ne peut pas dire définitivement « ça a moins de valeur » que ce qui se produit entre nous, en tête à tête, là comme là, maintenant. Par contre, on est bien obligé de se poser la question de quelle incidence ça a sur la question du corps, la nécessité d'être un corps, d'avoir un corps, de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce qu'il devient, comment ça existe, qu'est-ce qu'une relation entre les personnes et qu'est-ce qu'un univers et un monde qu'on construit. Alors, du coup, ça me donne envie de réagir sur peut-être une dimension qu'on a, bon, parce qu'on peut pas, on n'a pas beaucoup de temps, on peut pas tout dire, mais sur le rapport qu'on entretient avec la question de l'intime aussi, parce que là, on a bien vu que là, ce qui est, comment dire, mobilisé chez l'adolescent, c'est tout son rapport à l'intime. Et dans la société d'aujourd'hui, notre rapport à l'intime est bouleversé justement par tout ce qui, comme vous venez de le dire, se présente, je dirais, accessible désormais sur la scène publique. Et comment on entretient finalement un nouveau rapport à l'intime et un nouveau rapport, je dirais, à l'espace public dans la société d'aujourd'hui. Alors, je crois que ça, c'est effectivement un point tout à fait fondamentale et qui s'accompagne aussi la question du rapport que l'on entretient avec la question de la présence et de l'absence. Parce que j'aime bien votre idée, enfin, par rapport au spectacle, ça me donne vraiment envie d'aller le voir. J'aime bien l'idée de cette cohabitation des solitudes, on va dire. Et je crois que, voilà, c'est effectivement, comment on peut être présent et à la fois absent, et absent et à la fois présent. Qu'est-ce que c'est que la présence de l'autre, finalement? Comment est-ce qu'on peut le sentir présent? Et on peut être très entouré en étant complètement seul, et puis, voilà, une petite association. D'autres questions? Oui, bonjour. Vous avez évoqué donc surtout, et pas que, mais surtout la problématique de communication entre les parents et les enfants au moment de l'adolescence. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la problématique du harcèlement moral et la violence entre les adolescents, entre eux, et cette montée dont on en parlait et qui est réelle? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Je crois qu'on revient à la question de la scène publique et de l'intime, et ça revient poser ces questions-là. Parce que finalement, qu'est-ce qui humanise ou qu'est-ce qui déshumanise les individus, les uns avec les autres, et le fait de rendre des choses publiques, de les rendre, de faire état des choses, vient quelque part empêcher de penser aussi sur soi, de penser à soi, et ça rend vraiment les relations compliquées, complexes. Et on a ce harcèlement hein, qui existe, qui est présent et dont on parle peu parce que ça renvoie aussi à du silence, à de la souffrance qui est difficile à traduire, à dire aux autres, que d'autres, on n'ose même pas imaginer. Mais tout ça, ça contribue à faire des expériences de déshumanisation. Et quand on a fait cette expérience-là, c'est difficile après de reprendre une parole, de redevenir acteur de quelque chose, acteur de sa vie. Et donc, on peut avoir le risque après de voir des adolescents qui sont non seulement dans le silence, mais en plus vont être après dans un passage à l'acte parce que c'est insupportable d'avoir fait cette expérience déshumanisante. Moi, juste ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est vrai que je crois que la violence entre les adolescents, elle a toujours existé. Enfin, je veux dire, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont elle s'exprime et c'est les lieux où elle s'exprime. Et ces lieux-là, ils nous échappent de plus en plus parce que, justement, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est derrière la porte de la chambre que ça se passe, c'est sur les écrans et là, on n'y est pas. On n'y est pas pour, justement, veiller et pour, je dirais, apporter aussi des garanties de sécurité pour être mis en position d'alerte. Et c'est comme cela que des adolescents, effectivement, sont victimes du harcèlement sans que personne ne s'en rende compte. Et qu'ils se replient et que, comme vient de le dire ma collègue, ils restent dans la position silencieuse. Et ça peut être effectivement extrêmement dramatique. Donc je crois qu'on a une réflexion à avoir autour de ces enjeux-là. Je pense que notamment dans les... Alors, au-delà de la position des parents, mais aussi dans le milieu scolaire, puisque c'est souvent entre eux que les choses se passent. Donc quand ça ressurgit parfois quand même, on est alerté au niveau de l'école, du collège ou du lycée. Mais parfois, c'est trop tard. Donc, comment est-ce qu'on peut, je dirais, effectivement, mettre en place des dispositifs qui permettent d'assurer, je dirais, une présence bienveillante et sans être évidemment intrusive face à cette nouvelle problématique qui s'ouvre. Et moi, je crois que c'est effectivement, parce qu'on a parlé du rapport à l'intime et à la scène publique, c'est vrai que les adolescents s'exposent, ils s'exposent. Hein, et quand on s'expose, eh bien, on est en danger. On est en danger. Et ils ont là peu de garanties pour être protégés dans cette exposition. Alors peut-être, moi, mon idée, c'est, je pense que c'est déjà une réflexion sociale. C'est une réflexion aussi liée au fait qu'on doit aussi travailler, non pas justement être dans la pathologisation du lien avec cette nouvelle offre culturelle, mais essayer de voir finalement éduquer aussi le rapport que l'on entretient avec elle. et en montrer les points positifs comme les points négatifs, mais pas que négatifs non plus. Il y a quelque chose qui a évolué aussi, c'est que maintenant on ne peut plus échapper physiquement, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne plus être en présence physique ne garantit pas de ne plus être atteignable ou accessible. Le lien n'est jamais rompu dans un sens, dans un autre, négativement ou positivement d'ailleurs. Et l'histoire ne s'arrête jamais. On ne se quitte pas physiquement. On continue, on peut prolonger. Et donc, sur ce sujet que vous évoquez, le harcèlement, il peut se poursuivre et on est atteignable partout, tout le temps, continuellement. Après, bon, voilà, aussi pour relativiser, ça ne se passe pas que sur les écrans ou que dans. Puisque je parle du phénomène Hikikomori, avant le phénomène Hikikomori, était apparu un phénomène dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était l'ignorance collective d'un individu dans les classes. C'est-à-dire, on avait décidé qu'on avait tué quelqu'un, il n'existait plus, plus personne ne le voyait, on niait son existence. Ce qui a poussé d'ailleurs un paquet de jeunes japonais au suicide. On entrait dans la classe, il n'était pas là, personne ne lui adressait la parole, etc. Et je pense que d'une certaine manière, le phénomène Hikikomori, c'est presque une façon de se sécuriser pour l'individu, c'est de se replier sur soi, de se mettre à l'abri quelque part dans une cabane pour éviter cette confrontation avec les autres physiquement qui nie notre existence au monde. On préfère décider de se retirer que d'être nié par les autres. Donc ça se passe aussi de cette manière-là. C'est ce que je pense que c'est pas nouveau. Hein. Oui, mais c'est exactement ça. Se retirer du monde quand on vit une expérience qui est insupportable, quelle qu'elle soit, quelle est la solution ? C'est celle-ci, c'est de retirer du monde, se retirer de l'expérience subjective. C'est tout à fait typique dans les expériences traumatiques. Et ça permet d'expliquer aussi, par exemple, une pathologie qui est la psychose ou que fait le sujet psychotique. Il se retire du monde. Il s'en invente un autre. Si on invente son autre, il rentre dans le délire, dans un monde imaginaire. Donc c'est un peu, je dirais, c'est un peu ce qui se passe là aussi dans le phénomène décrit. Il y avait une question ici. Bonjour. Par rapport au thème du refuge, j'avais une question un petit peu particulière. En fait, comment ça se passe parce que je pense en fait à la thématique du handicap. Quand il y a un adolescent handicapé et que du coup il y a à la fois peu de refuges parce qu'il y a par exemple assez peu de pères ou assez peu de sorties possibles, et par contre il y a une très forte dépendance aux parents qui de fait reste même quand l'adolescent sort de l'âge adolescent, rentre dans l'âge adulte, etc. Et par ailleurs du coup il a peu de solutions pour s'autonomiser, etc. Et du coup comment ça se passe voilà, dans ces cas-là, quand il y a assez peu de refuges, qu'il y a une dépendance en même temps, et que le temps, du coup, ne suffira pas parce que la situation de dépendance doit être maintenue. Alors, pour avoir une expérience en tant que psychologue dans un institut d'éducation motrice auprès d'adolescents et jeunes adultes qui étaient en situation de handicap moteur et bien souvent de maladies évolutives associées. J'ai cette expérience d'une jeune femme qui avait 20 ans qui est rentrée dans mon bureau un jour. Elle avait une myopathie, elle était en fauteuil roulant et elle rentre dans mon bureau et elle me dit « aide-moi à mourir ». C'est insupportable, aide-moi à mourir. Voilà. Alors l'adresse est à une psychologue, elle n'est pas à un médecin, elle n'est pas un éducateur. Et donc de cette adresse-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? De cette demande-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment on peut la travailler ? Du coup, comment on peut faire du sens ? C'est surtout la question du sens. Et même s'il y a effectivement une dépendance à l'adulte par la situation de handicap, une dépendance aux parents par exemple, il y a toujours la possibilité de travailler sur l'aspect création. On peut quand même créer des choses et l'adolescent, la personne en situation de handicap peut créer d'elle-même, peut réaliser des choses et peut aussi développer cet espace de l'imaginaire, de l'espoir, de la rêverie qui permet de refaire ou de faire du sens dans cette réalisation. Et là, pour cette jeune femme, elle a finalement écrit, alors avec mon aide, mais elle a écrit une histoire, voilà, une belle histoire qu'elle a illustrée aussi. Et donc, le fait de laisser ce livre, cette histoire, et puis de permettre de montrer cette histoire aux autres, donc faire trace de son existence finalement, elle a trouvé et elle a mis du sens sur quelque chose qui est complètement insensé. Et elle est arrivée à trouver des espaces où elle a pu être autonome, tout en ayant bien sûr toujours une dépendance physique aux autres. Oui, je voudrais juste aussi compléter en disant qu'effectivement, vous avez raison, moi je crois que c'est effectivement plus compliqué quand on est un adolescent en situation de handicap de pouvoir se mettre dans cette position d'indépendance. Mais l'autonomie, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychique. Et c'est cette autonomie-là qu'il faut travailler. Mais c'est vrai qu'elle est entravée pour une part par, je dirais, ce lien de dépendance physique qui est maintenu. Parce que de ce côté-là, l'autonomie, elle ne peut qu'être relative. Donc le travail, il est aussi à faire, parce que le conflit, j'ai envie de dire dépendance-indépendance, c'est le conflit typique qui occupe effectivement les adolescents d'aujourd'hui. C'est pour ça que parfois, la meilleure façon, j'ai envie de dire, de soigner un adolescent qui va mal, c'est qu'il quitte ses parents, c'est qu'il aille ailleurs. Sauf que notre société d'aujourd'hui ne le favorise pas beaucoup. Mais en même temps, quand il les quitte, quand il grandit, quand il se sépare, moi je suis par ailleurs psychologue, par exemple, au service de médecine préventive de l'université, donc je vois des jeunes étudiants, eh bien, on voit que voilà, rentrer dans un monde où on quitte effectivement ses parents pour prendre un logement, etc., pour faire ses études, eh bien, ce n'est pas une aventure simple, parce qu'il faut gérer aussi la question de la séparation. Et pour se séparer, pour que l'enfant, de manière générale, puisse se séparer de ses parents, eh bien, il y a une règle qui est la suivante. Il faut que les parents puissent se séparer de l'enfant. Donc, dans la problématique que vous indiquez, souvent, c'est bien de la question de l'interaction entre l'adolescent et les parents et la façon dont ils investissent aussi le corps de leur enfant en situation de handicap. Et bien souvent, ils se sont appropriés ce corps. Donc, il y a là aussi tout un travail qui est, je dirais, des deux côtés à faire pour pouvoir permettre, je dirais, le grandir psychique. Oui, bonjour. J'ai une question un peu transversale en fait à poser à tous les trois. C'est que finalement l'adolescence, elle a été un peu entendue comme une transition. Et moi, je me posais la question de savoir si finalement c'était pas plutôt un état qui peut être aussi celui d'un adulte à certains moments. C'est comme quelque chose qui peut revivre aussi à certains moments. Et parce que ce que j'entendais un petit peu dans vos trois propositions, c'était le fait que finalement, ce qui était en jeu, c'était aussi la question de l'orientation, c'est-à-dire la décision. Quel chemin je prends, quel choix sexuel j'ai, quel avenir professionnel j'ai, quels sont les amis que je choisis, qu'est-ce que je veux comme mode de vie, à quoi j'ai envie de répondre, etc. Et pour illustrer un petit peu ce point de vue, c'est aussi en partant de... Vous avez parlé des écrans, par exemple. Il y en a un derrière vous qui est une forme d'augmentation de votre discours, par exemple. On pourrait dire ça. Je pense aussi aux adolescents japonais dont vous avez parlé. Et en fait, je me dis, c'est finalement des expériences qui ont déjà été mises en place. Par exemple, les moines qui se retirent du monde et qui font ce choix à un moment donné. Et donc, je trouvais que finalement, vos trois discours rejoignaient un petit peu des idées qui laissaient penser que si ça correspond à un âge particulier, en même temps, c'est sans doute une expérience, c'est sans doute quelque chose aussi que les adultes peuvent aussi ressentir, vivre et comprendre. Et c'est vrai que selon qu'on se place d'un point de vue d'adulte ou qu'on se prétend adulte et qu'on regarde l'adolescence, ou qu'on se place du point de vue d'un adulte qui a aussi un peu d'adolescent en soi, on ne voit pas les choses tout à fait de la même façon. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Par contre, ça pose la question des rituels en fait qui reviennent, parce qu'effectivement dans l'histoire, par exemple sur cette notion de repli sur soi, la pratique de l'ermitage, ça peut être aussi... on est, dans la littérature, il y a des exemples. Il y a Oblomov, par exemple, qui est un personnage qui décide, parce qu'il est rentier, de rester et de ne plus sortir et de vivre de sa rente. Bien sûr, c'est des choses qui s'expriment de diverses manières, mais malgré tout, c'est vrai que je pense que la notion de passage, c'est pas qu'une notion la notion de passage, elle peut se retrouver à différents moments de la vie, mais par contre, il y a la question des rituels et de comment c'est accompagné. C'est-à-dire que là, par exemple, en travaillant sur Hikikomori, moi, je me suis beaucoup replongé dans des textes. C'est arrivé par la figure des animaux, en fait, par l'orignal, par d'autres choses, sur les rituels amérindiens et sur des temps qui étaient posés dans la vie, qui étaient des moments où on passait un cap. Les enfants qui allaient dans la forêt et qui restaient sans manger pendant plusieurs jours en attendant qu'une vision leur apparaisse, et que cette vision, c'était celle d'un animal totem, et qu'ensuite ils pouvaient passer à l'étape suivante dans la vie. C'est assez marrant, mais c'est vrai que la disparition des rites de repère, je pense, crée potentiellement de l'étirement aussi de certains temps. Parce que là, est-ce qu'on parle encore d'état quand ça se produit pendant 15 ans pour des jeunes adolescents comme ça? C'est-à-dire que l'état, ça me semble passager. Et là, il y a l'installation d'un état, en tout cas. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est en fait, est-ce que l'état peut opérer comme un processus? S'il opère comme un processus, il permet du changement, il permet d'avancer. S'il se fige, je dirais qu'il bloque justement l'opération du changement et il enferme, en fait. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'on, malgré tout, on porte tous en soi, bien sûr, son adolescence, mais pas seulement son enfance, et tout est un éternel retour, et les choses ne sont jamais réglées non plus une fois pour toutes. C'est pas parce que on a passé, je dirais, l'adolescence que ce qui nous a préoccupés à cette période-là ne va pas revenir nous interroger à d'autres occasions. D'autant plus que moi, j'ai beaucoup attaché mon propos tout à l'heure sur le rapport au corps, mais le corps, il change aussi, il se transforme, et pas seulement à l'adolescence. À d'autres occasions aussi de la vie, il se transforme, ne serait-ce que du fait du temps qui passe. Et ça aussi, ça nous conduit à revisiter, je dirais, nos positions, le rapport que l'on entretient au monde et à nous-mêmes et aux personnes qui nous entourent. Mais malgré tout, la différence que je ferais, elle est plutôt finalement liée à la place sociale qu'occupe l'adolescent, qui est dans une position de dépendance aussi sociale, puisque finalement la majorité, elle est acquise à partir de l'âge de 18 ans. Donc ça le situe aussi dans une position de dépendance sociale que n'a pas nécessairement l'adulte, en tout cas au niveau de son statut. Ça me paraît aussi un point important. Juste, je vais me permettre de dire que ça sera la dernière question. Une question, c'est une interrogation, que ce soit dans le cas des Hikikomori au Japon ou même en France sur les cas de déscolarisation massive. Est-ce que ça ne vient pas non plus questionner, est-ce que les adolescents ne viennent pas questionner aussi finalement une angoisse extrême de pouvoir rentrer dans la société avec tous les empêchements qui ont été pointés sur effectivement une dépendance économique qui fait qu'ils restent de plus en plus longtemps chez leurs parents, mais aussi sur la place et quel rôle ils vont jouer dans cette société. Il y a un questionnement. Je crois qu'effectivement, on est sur la question de l'engagement aussi, l'engagement social, l'engagement dans un système, avec toute cette interrogation et qui peut être très angoissante. Là, ça me faisait associer à ce que j'ai à la maison deux adolescentes. Et du coup, les copines et l'aînée sont en train de dire, et je les entends, ça fait un moment que je les entends répéter ça. Oui, mais finalement, par rapport aux élections et aux champs politiques, parce que ça a l'air de les envahir elles aussi. Elles disent, mais nous, on est de la génération 2000, on ne va même pas pouvoir voter. Et il y a quelque chose dans une sorte d'insatisfaction et en même temps l'angoisse aussi de ce qui va se passer, qui va se faire sans elle, du coup. Et voilà, ça me faisait un petit peu associer là-dessus. C'est je veux m'engager, mais j'ai peur. Et en même temps, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais même si je m'engageais, est-ce que je serais acceptée et reconnue aussi ? Voilà, avec toute cette angoisse que ça peut entraîner. Moi, je me demande un peu, mon interrogation en miroir, c'est est-ce que cette anxiété, cette angoisse qui est réelle et palpable, elle est propre spécifiquement aux adolescents, mais est-ce qu'elle ne traverse pas aussi toutes les générations ? Et c'est évident qu'aujourd'hui, il y a une urgence à réaliser quelle société on a produit depuis un certain nombre de générations et que cette anxiété a pouvoir être en capacité d'intégrer le monde ou être en capacité d'agir sur la construction d'une société, d'une civilisation, elle se pose. Les adolescents, évidemment, ils sont confrontés, on y est confronté également. Et on voit ce qu'on a produit globalement, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va y faire. Nous, en tant que corps humain, fabriquant un corps social, essayant de construire quelque chose. C'est un peu éloigné du sujet, mais moi, ça me fait directement penser à ce que votre remarque me fait penser à ça, c'est-à-dire de voir apparaître, pas seulement ici en France, mais à une échelle beaucoup plus large, des questions comme celle du revenu universel ou autre. Nous fait entendre que quand même le constat du plein emploi dans le contexte qui est celui qu'on a fabriqué économique, productiviste, etc., ça s'impose. C'est-à-dire qu'on a bâti une société dans laquelle l'humain ne va plus être centré sur le travail parce que le travail, aujourd'hui, on voit qu'on va vers de moins en moins, plus en plus d'automatisation, de machines, etc. Et donc ça va avec, c'est-à-dire que cette question de l'intégration, c'est aussi, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas seulement avec qui je vais être, c'est une mutation profonde qui se fabrique. Et il y a de quoi avoir peur, c'est sûr. Moi, je voudrais juste répondre à quelque chose. Premièrement, effectivement, je crois que ce qui inquiète beaucoup les adolescents, c'est l'inconnu. Et c'est vrai qu'on ne sait pas où on va. Et il n'y a pas qu'eux qui ne savent pas où ils vont, il y a nous aussi. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on offre aussi aujourd'hui comme proposition, je dirais, d'avenir aux adolescents. Et puis, je trouve que surtout, il y a dans notre société, et puis peut-être plus largement au-delà de la nôtre, un espèce d'effondrement aussi des valeurs, un effondrement des idéaux. Et il faut retrouver des choses auxquelles croire. Et on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut croire aujourd'hui, Et d'ailleurs, je trouve que ça permet de donner des pistes de sens pour comprendre les phénomènes, par exemple, de radicalisation, qui expliquent qu'on a besoin de trouver des causes pour lesquelles se passionner et s'enflammer. Et si on n'offre pas aujourd'hui, je dirais, des causes de passion qui puissent motiver les adolescents, eh bien, ils vont essayer d'en chercher ailleurs. Ils vont essayer de les trouver tout seuls. Et le risque, c'est qu'ils ne trouvent pas les causes qui permettront, je dirais, à chacun de vivre dans le bien-être et le respect les uns des autres. Donc, je trouve qu'on a une responsabilité, nous aussi, en tant qu'adultes, on va dire, engagés dans cette société, qu'est-ce qu'on leur offre comme image auquel s'identifier ? Voilà, enfin, moi, c'est surtout ça. Je pense que quand on grandit, eh bien, on cherche des modèles autour de soi. Et quels sont les modèles qu'ils sont proposés ? Donc, à nous de leur proposer peut-être des modèles auxquels ils ont envie de ressembler. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les trois pour cette évocation complète de l'adolescence et voilà, à la fois sous l'angle savant et sous l'angle artistique. Et donc, je vous rappelle que le spectacle de Joris Mathieu, notamment Hikokomori, le refuge, est présenté ici même d'ailleurs dans cette salle en T400 du 7 au 10 février. Donc, je vous conseille de venir. Et la semaine prochaine, pour une toute autre évocation des souvenirs d'adolescents avec des virées un peu minables en boîte de nuit, par quelqu'un plutôt qui ressemble à un cabaretiste, Jonathan Capdevielle, voilà, qui présente Adi Schatz et Saga la semaine prochaine, ici aussi dans cette salle. Merci, bonne soirée.